Il fait toujours plus beau quand on voit bien. En ce moment, chez Écoutez Voir, les verres à votre vue sont offerts pour l'achat d'une monture solaire à partir de 69 euros. Mais surtout, chez Écoutez Voir, il n'y a pas d'actionnaire et les bénéfices contribuent à l'économie sociale et solidaire. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste. Point de vente soumis au code de la mutualité. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien sur ordonnance, conditions et engagements sur écoutezvoir.fr. Merci pour votre émission sur Genshin Impact. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques mois et je suis déjà accro. Et ça me rappelle en fait beaucoup d'isekai que j'ai pu voir en animé. Et d'ailleurs, à quand une émission sur les isekai ? Ouais, salut l'équipe. Bon, encore une super émission sur Genshin Impact. Mais franchement, les gars, arrêtez de parler des jeux. C'est des jeux trop faciles, ça. C'est des free-to-play. Moi, je sais pas, je mets 1 500-2 000 balles par semaine. Le jeu, il roule dessus. Enfin, franchement, c'est vraiment trop facile. Donc, perso, je suis un peu blasé. Voilà. Je trouve que vous n'avez pas trop creusé le truc. Enfin, c'est pas grave. Enfin, après, vous faites ce que vous pouvez. C'est gratuit, votre émission. Donc, bon, voilà, c'est normal. Allez, bisous, les gars. Bien le bonjour, Blockbusters. Je voulais vous remercier d'abord pour la qualité globale de toutes vos émissions, à laquelle il n'y a qu'un gros défaut, en fait. C'est celui, jusqu'à maintenant, de ne jamais avoir parlé d'Albator. Ce qui manque beaucoup tout de même au grand éventail de sujets que vous avez traités. Et sur la pop culture, il y a eu beaucoup d'anciennes séries de la même époque qui ont eu le droit à leur émission, à commencer par Goldorak, tout ça. Et je suis sûre de ne pas être la seule qui trouve que c'est la dernière corde qui vous manque à cet arc. Merci beaucoup, c'était Manon depuis son pays breton. Salut Blockbuster, merci pour votre émission, c'est toujours un plaisir de vous écouter, tous vos intervenants et vous. J'ai quand même un truc à vous demander. Depuis tout ce temps que j'écoute Blockbuster, j'ai encore pas eu d'émission sur Diablo ou les développeurs de jeux vidéo indés type Minecraft ou Stardew Valley. Donc j'aimerais bien entendre un Blockbuster là-dessus. Merci, à bientôt. Not to be. Les vidéoclubs me manquent. Je me rends compte que toute ma cinéphilie, je l'ai faite dans des magasins de location de VHS. À l'adolescence, les samedis soirs, quand ma mère travaillait de nuit, j'invitais des potes à dormir à la maison et on filait au vidéoclub. Mission, louer 3 films qu'on s'enchaînerait d'affilée jusqu'à des pas d'heure. Le tout en mangeant très mal, car évidemment, la diététique n'existait pas encore dans les années 90. Rien que se promener dans un magasin de vidéos, c'était déjà une aventure. Toutes ces jaquettes de cassettes, l'une à côté des autres. Le cinéma, pour plein de gens, c'était pas une salle, déjà trop cher ou trop loin. Non, c'était ça. Avec ce petit carton devant qui nous indiquait si le film avait déjà été pris ou non. Le gérant nous connaissait, mais on avait beau être des habitués, il nous surveillait toujours, même de loin, dans le petit miroir qu'il avait dans son magasin, histoire d'être sûr qu'on n'allait pas se perdre dans le rayon des films pour adultes. Faut dire, tu grandissais de 10 ans rien qu'en regardant les jaquettes. Nous, on était plutôt films de genre, films d'horreur ou films de kung-fu. Il y avait certains films qui avaient tellement de succès, ils ne restaient pas plus de 20 minutes en magasin. Et c'était pas toujours les grands classiques célébrés du cinéma. Je me souviens de Lords of Illusion de Clive Barker, L'Antre de la Folie de John Carpenter, Marin des Mers de Chine avec Jackie Chan. On a attendu des semaines avant de pouvoir les voir. Mais ça aussi, ça faisait partie du plaisir, l'attente. On pouvait toujours réserver le film, mais il fallait que le client d'avant l'ait bien ramené. Et ça, c'était fluctuant. Hein. Le nombre de fois où on a vu le gérant s'énerver tout seul parce qu'un de ses clients ne lui avait pas ramené le film, on entendait gueuler que c'était la dernière fois qu'on les reprendrait plus, jusqu'à la prochaine fois, évidemment. Aujourd'hui, j'ai plein de plateformes, plein d'abonnements, plein de séries, plein de films, mais quand même, les vidéoclubs, ça manque. France Inter, Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. When Ellen died, I lost everything. Quand Hélène est morte, j'ai tout perdu. Jusqu'à ce que ce chien se retrouve devant ma porte. Ça a été le dernier cadeau de ma femme. À ce moment-là, j'ai retrouvé un semblant d'espoir. Ne pas être seul pour faire mon deuil. Et ton fils m'a ôté cet espoir. Je t'en prie, ton fils me l'a volé. Il m'a tué cet espoir. Les gens n'arrêtent pas de me demander si je suis de retour. Et je n'avais pas de réponse à leur donner. Je crois bien que je suis de retour. Alors prépare-toi à me livrer mon fils. Ou tu mourras en hurlant de douleur à ses côtés. Keanu Reeves, l'acteur de toutes les résurrections. Speed, Matrix, John Wick. Autant de rôles que de réinventions. Mais la saga John Wick n'a pas seulement revitalisé la carrière de Keanu Reeves, elle a revitalisé le cinéma d'action occidental. J'insiste sur occidental, car on va voir que nombre d'éléments qui font la force de John Wick existaient déjà dans le cinéma de Hong Kong depuis longtemps, mais n'avaient peut-être jamais été aussi bien compris, intégrés et respectés par le cinéma américain qu'avec ce anti-héros barbu et taiseux qu'est John Wick. Et pour décrypter cette saga, ses influences et ses hommages, j'ai avec moi deux spécialistes. Marvin Montes, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur pour Écran Large, chroniqueur dans les podcasts Shitlist et Hcast, auteur de Hong Kong Action et plus récemment de Alien, la mécanique de la peur, disponible chez Third Edition. C'est bien ça. Avec nous également, Julien Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste cinéma pour Trois Couleurs, Rokirama, Coyote Mag, et vous faites partie de l'équipe de Capture Mag, réalisateur de documentaires dont le dernier en date, Keanu Reeves, Messi Pop pour Arte, disponible sur la chaîne Arte Cinéma, sur YouTube, sur Arte TV, et qui sera diffusé à l'antenne le 16 avril à 23h. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Bah c'est parfait, merci. Le tour de notre grande table à nous est fait. Et maintenant, on se lance dans l'univers de l'ami des chiens le plus meurtrier du cinéma américain, John Wick. It's not what you did, son. Ce n'est pas ce que tu as fait, fiston, qui me rend à ce point furieux. C'est à qui tu l'as fait. The fucking nobody. Ce putain de moins que rien. That fucking nobody. Ce putain de moins que rien. It's John Wick. C'est John Wick. Autrefois, c'était un de nos associés. On l'appelait Baba Yaga. The boogeyman? Well, John wasn't exactly the boogeyman. Le croque-mitaine? John n'était pas exactement le croque-mitaine. He was the one you sent to kill the Il était celui qu'on envoyait pour tuer le croque-mitaine. John est un homme d'une grande concentration. Extrêmement tenace et volontaire. Ce ne sont pas les qualités dont tu disposes. Une fois, je l'ai vu tuer 3 hommes dans un bar. Avec un perrier. Un putain. De crayon. Et toi, mon cher fils, quelques jours après la mort de sa femme, tu voles sa voiture et tu descends son putain de chien. Père, attends, je vais tout arranger. Ah bon? Bon. Et comment vas-tu faire? Je vais finir ce que j'ai commencé. Mais putain, il n'a pas écouté un mot de ce que j'ai dit. Pas moyen, c'est bravo, pas ça. Écoute. John va venir se venger. Et tu ne feras rien parce que tu ne pourras rien faire. Alors sors de ma vue en vitesse. Un extrait de John Wick, chapitre 1. Et vous venez d'entendre Viggo Tarasov qui parle à son fils Yosef Tarasov, qui sont respectivement joués par Michael Nyqvist et Alfie Allen, et interprétés par les comédiens de doublage Pierre-François Pistorio et Damien Ferrette. Alors évidemment, première question, parce que on sait que John Wick 4 fonctionne très très bien dans les salles de cinéma, mais je sais que pour une grande partie des gens... tout le monde ignore qui est John Wick. Le grand public ignore qui est John Wick. Donc, Julien Dupuis, qui est John Wick? John Wick, c'est un tueur qui a choisi à une époque donnée pour l'amour de sa vie de ranger les armes, de quitter le monde souterrain des tueurs et qui, bien malgré lui, est repropulsé dans ce milieu extrêmement mortifère, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on a tué son chien, basiquement. Mais évidemment, le chien trimballe beaucoup plus que ça, puisque c'est le cadeau que lui avait offert sa femme qui est décédée. Mais c'est le lot de tous les chiens. Les chiens trimballent toujours beaucoup plus. Enfin, c'est un des trucs dont on va parler, j'imagine, dans John Wick, mais de toute façon, le mobile, peu importe, en fait. Et au contraire, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, plus il est absurde, mieux c'est. C'est ça aussi, John Wick. C'est un prétexte total, ça fait partie du côté film concept, pour moi, de cette saga. Marine Montes, alors moi je vous lis depuis de nombreuses années désormais. Je sais à quel point vous êtes un amateur du cinéma de Hong Kong, d'un cinéma de cascade, de mise en scène, etc. Extrêmement exigeant. Mm-hmm. Et surprise, John Wick, vous n'avez pas été dur avec lui. Et je me suis dit, Marine Montes aime John Wick. Je n'ai pas été dur avec lui, on va dire, jusqu'à un certain point. Alors, on va peut-être revenir sur les derniers films, mais non, c'est disons que c'est un cinéma... comme on le dit souvent, qu'un cinéma de cascade, qu'un cinéma quasiment artisanal. Alors je ne vais pas être forcément non plus toujours dithyrambique en... Je ne pense pas que ce soit totalement l'héritier de ce cinéma-là qui nous passionne, mais je veux dire, il y a quand même des choses qui sont faites et qui sont relativement respectueuses d'une certaine tradition de l'artisanat d'Extrême-Orient. Donc, entre autres, hein, parce que c'est pas... Ça se limite vraiment pas, je pense, à cette influence-là. Voilà, c'est vrai que c'est un rapport qu'on peut faire un peu vite. Oui, donc... Je pense que les choses sont faites dans le respect. Voilà. Et selon vous, qu'est-ce qui explique l'attrait du personnage ? Bah, déjà, je pense qu'il y a une espèce d'aura de sympathie qui entoure à la fois John Wick et Keanu Reeves, en fait. C'est-à-dire que vous avez ce personnage de John Wick qui est quand même censé être un espèce de spécialiste de la tuerie de masse et qui reste quand même extrêmement courtois et qu'on tente, je dis bien on tente, hein, de beaucoup humaniser, notamment dans les premiers volets. On tente. Hein. La seconde chose, je pense d'ailleurs, que... D'ailleurs, il y a une tonalité très différente entre le premier et ensuite le 2, 3, 4... Ouais, la bascule vraiment entre le 2 et le 3, je pense que on y reviendra certainement. Mais... Et puis, il y a aussi quelque chose qui joue peut-être à ce moment-là aussi. C'est l'espèce d'aura de sympathie, encore une fois, qui entoure Keanu Reeves, quoi, qui est presque devenu un espèce de personnage lui-même de pop culture intouchable, c'est quelque chose qui parfois m'échappe un petit peu, voilà, mais voilà, il y a aussi ça, quoi. Julien Dupuis, selon vous, d'où vient le l'attrait du personnage, ce côté romantique, alors qu'on a quand même affaire à quelqu'un d'extrêmement hardcore? Je pense qu'il n'y a pas de John Wick sans Keanu Reeves, en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y aurait pas de Keanu Reeves non plus sans John Wick. C'est-à-dire qu'il y a un truc aussi dans la saga John Wick qui est que le film est arrivé exactement au bon moment. C'est-à-dire que Keanu Reeves, à cette époque-là, en tout cas quand le premier film sort, sa carrière semble à nouveau à l'arrêt. C'est-à-dire qu'il est sorti de deux gros fours qui étaient des grosses prods, qui étaient le jour où la Terre s'arrêta. Très mauvaise idée de remaker ce grand classique, ce chef-d'œuvre de Robert Wise de la science-fiction. Et une adaptation de 47 Ronin, qui est aujourd'hui c'est un film assez oublié, j'ai l'impression, quoi. Et j'en ai parlé. C'est vrai. Oui, mais parce que moi, je regarde des films bizarres. Mais qui était un film qui avait coûté une fortune à l'époque, qui avait mis d'ailleurs, si mes souvenirs sont corrects, pas mal de temps à sortir et qui ont totalement foiré au box-office, quoi. Et Keanu Reeves, lui, continue à se battre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'avant John Wick, il réalise un film, son seul film à ce jour, qui est Man of Tai Chi, et qui est un film qui, pour moi, est à sauver parce qu'il est humble et extrêmement honnête. C'est-à-dire que c'est un film qui est tout entier dédié à Tiger Chen, qui était l'entraîneur de Keanu Reeves sur les Matrix, qui est un acteur... Et d'ailleurs que l'on voit aussi, notamment dans une scène de Matrix Reloaded, se battre chez le Mérovingien. C'est les cheveux longs noirs et petit costume blanc. C'est un petit mec, mais qui est vraiment étonnant. Hein. C'est quand même un super artiste martial. Bon. Et Keanu Reeves, lui, se donne le mauvais rôle hein, dans le film. Et en même temps, c'est un film pour lequel il s'est investi corps et âme. Et dans John Wick, il y a ça aussi. C'est-à-dire que l'un des trucs de John Wick, c'est que ce sont des films avant tout réalisés par des cascadeurs. Ça me semble vraiment... c'est très important, à mon avis, de le poser tout de suite. Et des mecs qui ont vu leur travail au cinéma souvent maltraité. C'est-à-dire que d'une part, surtout Chastaisky, il a travaillé avec les Wachowski. Ça a été une expérience extrêmement formateur. Mais avant ça, il a une très longue expérience en fait au cinéma, à la série télé. Il a bossé sur Buffy, par exemple, pendant très longtemps. Et ils voient que tout le travail qu'ils font en amont sur les chorégraphies, etc., sont charcutés au montage, mal filmés et souvent, réappropriés par des acteurs qui n'ont pas le bagage, qui n'ont pas le savoir-faire que eux, les cascadeurs, réalisateurs ont acquis au fil des ans. Et le truc que Keanu Reeves va faire, c'est que lui va dire, parce que le premier John Wick est un tout petit budget, hein, je pense qu'on va, on va revenir en fait là-dessus, et Keanu Reeves va dire, oui, mais moi, j'accepte de me plier à un entraînement drastique pendant plusieurs mois. C'est ce qu'il avait déjà fait sur les Matrix, mais il était payé. Oui, ah oui. Il sera payé ultérieurement sur les John Wick, mais pas sur le premier, quoi. Et il va s'entraîner copieusement, il va faire une... Alors, pas toutes ces cascades, et d'ailleurs, Keanu Reeves est le premier à dire, hein, je ne suis pas un cascadeur, les cascades sont faites par des cascadeurs, là aussi, on peut saluer l'honnêteté du gars, quoi. Mais il n'empêche que, du coup, cet investissement de l'acteur principal fait qu'il y a une... Comment dire, il y a un lien qui se crée directement, de facto, entre le spectateur et le mec qui est en train de s'en prendre plein la gueule, quoi. Et c'est ça, en fait, John Wick. C'est un mec qui s'en prend plein la gueule et qui se relève tout le temps. Et Keanu Reeves, déjà à cette époque de sa carrière, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est un mec qui s'en est pris plein la gueule. À plein de moments, tu l'as cru au sommet du cinéma. Et il s'est cassé la figure. Il s'est cassé la figure après Speed. Il s'est cassé la figure après Bill and Ted ou Point Break. Enfin bon, dans ces eaux-là. Il s'est cassé la figure après les Matrix, donc. Et à chaque fois, il revient. Et même après des grands films comme Little Buddha. C'est ça. Il n'a pas réussi à trouver son truc. Enfin, moi, à mon sens, quoi, sur Little Buddha, etc. Et il revient, le gars. Et il revient parce qu'il s'investit, parce qu'il aime vraiment ce qu'il fait aussi, je pense, parce qu'il est extrêmement honnête avec le matériau d'origine, c'est-à-dire que c'est lui aussi qui va pousser pour que John Wick soit aussi radical, que ce soit aussi violent. Il y a un moment, par exemple, dans le montage du premier John Wick, où notamment, je crois que c'était du côté de la production, on se dit non, mais peut-être qu'il faudra un peu plus justifier l'action de John Wick et tout. Et Keanu Reeves, il dit non, il faut que le mec commette un bain de sang pour rien du tout. C'est le principe du film, sinon le film ne fonctionnera pas. Et ça, mine de rien, il faut savoir l'imposer, il faut avoir l'honnêteté en fait de l'imposer à ce moment-là, quoi. Marvin Montes, c'est vrai que cette radicalité dans John Wick premier du nom, c'est aussi ça qui a un peu singularisé le film, c'est qu'on retournait à un principe d'ultra-violence qu'on avait plus vu depuis un certain temps. Que peut-être que si on regarde l'aspect un peu concurrentiel du cinéma d'action, en tout cas du côté d'Hollywood à ce moment-là. Si on met à part toute la Marvelisation, parce que je crois que les Gardiens de la Galaxie étaient déjà sortis, il y a des choses comme ça, je crois que peut-être le concurrent direct qu'on peut trouver le plus proche quelques années autour, ça doit être The Equalizer de Antoine Fuqua, quelque chose comme ça. Donc je pense que bon, on n'a pas trop de mal à passer devant sans vouloir être trop dur avec The Equalizer, mais oui, il y a une espèce de radicalité. Et puis surtout, le premier John Wick, parce qu'il faudra peut-être toujours un peu le mettre en balance avec ses suites, c'est que c'était un film qui était finalement relativement fonctionnel. Dans sa manière d'utiliser les environnements, dans la scénographie. C'était vraiment un film, comme l'a dit Julien, qui était déjà un film de cascade, un petit peu un film d'artisanat, et qui laissait vraiment l'action, finalement, au cœur du propos, quoi. C'est-à-dire qu'il tentait pas de faire des choses, parfois, je vais pas tout dévoiler pour la suite, mais vraiment, voilà, il avait des environnements qui étaient, bah, par exemple, sur les scènes d'action du premier John Wick, on a des environnements qui sont quasiment standardisés, quoi. C'est-à-dire qu'on a la maison de John Wick, un espèce de hangar pour le combat final, une boîte de nuit, qui sont des choses qu'on connaît, mais des choses qui peuvent justement laisser l'action se développer, la radicalité, toute la violence du personnage, quoi. Oui, et on n'est pas encore, alors même si elle est déjà présente, on la pressent, mais il n'y avait pas encore cette esthétisation extrême dans le premier John Wick. Moi, je me rappelle que ce qui m'avait frappé c'est au cinéma, clinique, quoi. Voilà, c'était clinique. C'est-à-dire que vraiment, c'était la première fois aussi que j'avais l'impression de voir un tueur, qui sait ce qu'il fait, c'est-à-dire une balle dans le cœur, une balle dans la tête, on passe au suivant. Voilà, c'est ça, cœur-tête, bras et on avance. Et il y avait quelque chose de, voilà, c'est mon mode opératoire, j'ai pas de temps à perdre. Et dire, ah mais on a le droit de montrer ça comme ça parce que là, il y a quand même 8 personnes qui viennent de perdre la vie gratuitement. Et c'était genre, on s'en bat la race, quoi. Il y a quelque chose d'assez implacable et puis qui est aussi on va dire, renforcé par le scénario et par la manière dont sont perçus les assassins dans cet univers. On dit que c'est une société secrète, mais est-ce qu'elle est vraiment secrète? Enfin, je sais pas. Oui, parce que tout le monde a l'air Tout le monde a l'air d'être dans le truc, quoi. Donc, voilà. Moi, je préfère, en fait, je préfère, oui. Tu m'as pas lancé. Est-ce que je peux prendre la parole? Tout à fait. Je préfère, en fait, personnellement, quand il radicalise le truc. C'est-à-dire que pour moi, John Wick devient vraiment intéressant le 2 et surtout au début du 3. Enfin, là, moi, je prends vraiment du plaisir. Mais pour plein de raisons, en fait. C'était déjà, je pense que quand Chad Stahelski est seul aux commandes, c'est beaucoup plus intéressant. Je préfère ce mec-là et je préfère la façon qu'il a d'appréhender, en fait, le projet dans son abstraction, encore une fois. C'est un terme qui va beaucoup revenir, je pense, dans ma bouche. touche en tout cas dans ce podcast, quoi, dans cet épisode. Ensuite, il y a un autre truc, c'est qu'il y a une constitution d'une équipe technique autour de Chazalinski qui va être très importante. Et il y a notamment un membre de l'équipe qui est fondamental pour moi et qui est très important, qui est Dan Losten, qui est un directeur de la photographie hollandais, qui a beaucoup travaillé avec Guillermo del Toro, avec Christophe Gans aussi, et qui a une façon d'appréhender la photo qui est désinhibée, en fait, en un sens. C'est-à-dire que il va assumer à fond. C'est-à-dire que dans le premier John Wick, tu vois, c'était très bleu, très oui, morne, très terne, en fait. Et quand la violence arrivait, il y avait un peu plus de couleur. Mais ça restait assez timide. Et de la même façon, ils n'avaient pas pu utiliser des objectifs anamorphiques, donc qui écrasent l'image, qui créent ces reflets tout à fait particuliers. Si vous avez vu la Piège de cristal, vous voyez tout de suite de quoi je veux parler, quoi. Moi, dans mon langage de grand public, j'appelais ça le flair. Il y a des jolis flairs. Non, mais c'est super. Mais ça demande beaucoup d'argent, tu vois, c'est très compliqué. Et sur le premier, ils avaient pu, je crois, utiliser des objectifs anamorphiques que sur les scènes de jour, pas sur les scènes de nuit. Donc ça change aussi le style et l'appréciation que toi, tu as de l'environnement, en fait, de John Wick. Donc voilà, Dan Losten, quand lui va arriver, il va utiliser, par exemple, beaucoup de ramp LED, donc des petites lumières qu'il va inclure dans le décor. Ça va aussi permettre de donner beaucoup plus de latitude, en fait, au déplacement des comédiens, au déplacement de la caméra. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les practical lights. C'est des lumières qui sont incluses dans les décors. J'espère que je suis pas trop technique. Mais voilà. Et du coup, ça va aussi, en quelque sorte, libérer John Wick. Et il y a aussi ce truc où Chazalinski va chercher des environnements de plus en plus délirants, quoi, quelque part, dans le film. Et ce projet, ce scénario, ce script, comment il est né, Marvin Montes? Alors, c'est un scénario de Derek Kolstad, donc, qui date à peu près de 2012. Et en fait, dans ce scénario-là, qui s'appelait Scorn. Derek Kolstad va beaucoup s'inspirer des figures de cinéma qu'il admire le plus, c'est-à-dire des personnages de néo-noir, quoi. Vraiment, la base de son scénario, c'était je vais imaginer le pire personnage de film noir à obtenir une espèce de certaine rédemption. Et d'ailleurs, il va lui donner le nom de son grand-père, hein, qui s'appelle littéralement John Wick. Voilà, qui était très content d'ailleurs d'avoir le nom d'un espèce de tueur à gages, quoi. Et donc, c'est un scénario qui reçoit plusieurs offres, dont une d'une société qui s'appelle Thunder Road Pictures, pardon. Et donc, qui est fondée par un producteur qui s'appelle Basil Iwanick, qui va notamment faire lire le scénario à Keanu Reeves, qui va commencer à ce moment-là à poser un petit peu son regard dessus et à surtout aller chercher du côté d'une société de production qui a été cofondée par David Leitch, donc qui s'appelle 8711 Action Design, et dans laquelle est aussi impliqué donc notre fameux Chazalinski. Voilà, puisque c'est bien David Leitch et Chazalinski qui vont co-réaliser le premier, même si David Leitch n'est pas crédité. Oui. Il est crédité qu'à la production, ouais. C'est peut-être important de se pencher un peu plus sur leur société de cascade, 8711 Production, parce que en fait, c'est une société qui a imposé aussi un style et une façon de procéder aussi dans l'action. Oui, parce que David Leitch, c'est aussi Atomic Blonde. C'est ça. Ouais. Et en fait, donc c'est des mecs qui se sont encore une fois révélés avec les tournages des Matrix. Mm-hmm. Tout revient là, en fait. Hein. Et d'ailleurs, Matrix, même si les sœurs Wachowski n'ont rien à voir avec John Wick, on a vraiment l'impression tout du long sur la totalité de la franchise John Wick qu'il y a une parenté avec Matrix qui est permanente. Chad Saïski, je l'ai entendu dire qu'il aimait beaucoup se définir comme une Wachowski light. C'est peut-être un petit peu présomptueux, mais voilà. Moi, je sais que quand je l'avais interviewé sur le 2, je crois, c'était à l'époque où les sœurs Wachowski étaient vraiment au fond du gouffre, quoi. Je crois que c'était à l'époque de Jupiter Ascending. Tout le monde leur crachait dessus, hein, tu vois. Et lui, les présentait, en fait. Sauf Simon Rio. Comme des modèles. Et moi. C'est vrai que Simon aussi, on est les deux seuls, peut-être. Non, mais, il les présentait vraiment comme des modèles à suivre. Il a passé plusieurs années, en fait, sur les tournages des Matrix. C'est là aussi ils se sont rencontrés donc avec Keanu Reeves. C'est Keanu Reeves qui va d'ailleurs ramener Chazalinski et David Leitch sur le projet, en fait, hein, mm-hmm. sur les John Wick. Et donc ils se lient d'amitié, et petit à petit, Chazalinski, qui n'est juste que la doublure, en fait, de Keanu Reeves, hein, au tout début, va prendre de l'ampleur. Par exemple, il y a un super documentaire qui existe sur les Matrix qui s'appelle Burning Man Chronicle, qu'il faut absolument voir, qui est vraiment mortel, et dans lequel tu peux voir, en fait, Chazalinski. Burning Man, c'est du nom de cette scène dans Matrix. incroyable. Reloaded où Neo se bat contre tous les multiples versions de l'agent Smith. Voilà, exactement. Et dedans, en fait, tu vois que Chastelsky est seul aux commandes de petites scènes de Matrix Révolution. Parce que c'était une époque où les Wachos étaient vraiment rincés, n'en pouvaient plus, avaient tellement de boulot, en fait, à faire. Et lui, petit à petit, tu vois, il est monté en grade, il a noué cette relation tout à fait particulière avec Keanu Reeves. Et c'est ça, en fait, qui lui a donné, en quelque sorte, la confiance pour pouvoir se lancer, en fait, dans la mise en scène. Et le truc, c'est que quand tu bosses sur Matrix, c'est ça qui a dressé le pont entre le cinéma de Hong Kong et le cinéma occidental. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des précurseurs. Il y avait Blade, par exemple, de Stephen Norrington. Tu vois, tu avais des petites choses comme ça qui commencent à arriver. Bon, Blade n'est pas une petite chose, hein, c'est un super film et tout, mais tu voyais qu'il y avait des geeks comme nous, là, qui oui. commençaient à regarder du côté qui se disaient, mais c'est pas possible que personne n'importe ce que Jet Li fait à Hong Kong. C'est pas possible, en fait. Et justement, en reparlant de Blade, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué quand j'ai vu le premier John Wick, et c'est quelque chose qui m'avait plu également dans Blade, c'est l'art et la manière d'introduire un personnage iconique dès ses premières scènes. Alors, le traitement est différent dans Blade, parce que Blade commence par une scène qui détruit tout, et d'ailleurs, je trouve que le film a du mal à rester au niveau de cette première scène tout du long. Du premier, oui. Oui, du premier. Mais pour John Wick, ce qui est fou, c'est que dans le script, je pense que rien n'a été inventé avec ce film, mais c'est très efficace. Non, ça marche très bien. C'est cette idée que tous les personnages du film ont des informations sur John Wick que le spectateur n'a pas. On l'introduit par le point de vue des autres personnages. Et on doit raccrocher les wagons. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est vraiment une légende urbaine qui grimpe, jusqu'au moment où, effectivement, on le voit... On a une espèce de payoff au bout d'une trentaine de minutes, je crois, où on le voit entrer en action, après qu'on ait entendu les gens qui sont censés, eux aussi, faire partie d'une... C'est trop long. Oui, c'est un petit peu long, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé. Hein. Quand on voit l'introduction du 2, par exemple, c'est vrai qu'à la comparaison... Surtout le 3, le début, c'est génial. Non mais en fait, moi j'aime beaucoup les séquences d'attente, c'est-à-dire que moi Sergio Leone, oui, le pay-in, le pay-off, on attend un train, ça me va. Hein. En fait, le truc, il y a un truc qui est intéressant, tu vois, d'ailleurs dans les John Wick, c'est que le film, c'est aussi des films qui fonctionnent sur le contraste tout le temps. Mm. Et tu peux noter d'ailleurs que les scènes de dialogue en général sont hyper posées, c'est hyper calme. C'est-à-dire que les mecs, et ça c'était une lutte apparemment des monteurs en fait au tout début, c'est que ils se coupent pas la parole. Il n'y a pas de dialogue, en fait, qui se chevauche. Tout le monde attend que l'autre ait fini de parler, fini de discuter, etc. Je pense que c'est aussi, mine de rien, je pense que c'est une des clés de la réussite, et en tout cas du succès des John Wick, c'est que c'est aussi des films qui font confiance au public. C'est-à-dire que c'est des films qui se disent, non, mais effectivement, je pense que les gens, ils peuvent attendre là. C'est culotté, en fait, tu vois. Les gens se disent pas, les prods, etc., se disent pas forcément qu'ils vont pouvoir patienter aussi longtemps, quoi, tu vois. De toute façon, j'ai rarement vu un film d'action pouvoir se permettre d'avoir le luxe de dire on va faire 2h50 avec 380 phrases. Est-ce forcément une bonne chose, je sais pas. Mais simplement, on est quand même dans un truc, on se dit alors là, logiquement, il n'y a personne qui vous a dit faudrait un peu un chouïa coupé, quoi. Mais ça marche. C'est indéniable. C'est-à-dire que pas forcément sur nous, on peut trouver que c'est trop long, etc. C'est aussi mon cas sur le 4. Mais ça marche sur le public. Parce que tu parles du 4, là, en l'occurrence. Mais manifestement, les gens veulent et en demandent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc, c'est la même chose, tu vois, avec la présentation de Wick. C'est-à-dire que il a pas d'alibi. C'est pas grave. Et les gens vont quand même s'identifier à lui. On fait confiance au public. On prend des libertés énormes. Mais ça ne va pas faire sortir les gens, parce que les gens, ils viennent pour voir, en fait, de l'action qui est complètement délirante. Le mec se prend des bastos tout le temps, chute de 25 000 étages, mais et il se relève, et tant mieux. Et plus les épisodes avancent, et plus les conventions sont... C'est-à-dire que, voilà, il suffit qu'il mette son bras au-dessus de sa tête. Oui, on a introduit ce gimmick, que c'est plutôt à partir du 2, du costume en Kevlar. Costume en Kevlar. Qui permet de se protéger en levant son bras, qui va être une solution à beaucoup de problèmes. À tout, effectivement. Et moi, maintenant, la rue, je me protège comme ça. Mais tu as tout à fait raison, surtout en ce moment. C'est aussi une saga qui a libéré les chakras. Je pense que quand John Wick sortait, le cinéma d'action sortait aussi des Bourne, des Jason Bourne, en fait, qui sont en fait l'inverse. Mais ça fonctionne toujours comme ça, hein, l'histoire du cinéma, et en particulier du cinéma de genre. Et les Bourne, c'était réalisme à tout craint, quoi. Bon, Alors, avec caméras, quelques libertés quand même malgré tout. Mais t'avais Paul Greengrass qui vraiment a imprimé, bon, Doug Liman pour le premier, mais ensuite Paul Greengrass qui a vraiment imprimé son style, qui vient du documentaire à la base. T'avais des bastons, alors avec un acteur qui lui aussi était impliqué, mais qui était plus sèche et beaucoup plus réaliste, on va dire, voilà, Matt Damon, ouais, en l'occurrence. Et en fait, John Wick allait à l'encontre totalement de tout ça, quoi. Et avec un autre truc dont on n'a pas aussi parlé depuis le début, qui est que ce n'est pas PG-13. Donc, aux États-Unis, c'est pas interdit aux moins de 13 ans non accompagnés. C'est des films violents. Mais ça, c'est cool. Et je pense que ça aussi, on le doit à Keanu Reeves. Tu vois, c'est un gros fan d'Evil Dead, par exemple, Keanu Reeves. Et je pense que s'il y a un meurtre au crayon de papier dans le 3, c'est dans le 2. C'est dans le 2. Ça vient de Evil Dead. Evil Dead, t'as cette scène traumatisante avec le crayon de papier dans la cheville, voilà. Et le crayon de papier, d'ailleurs, on pourrait presque faire une sorte d'étude, même dans The Dark Knight aussi. Oui, le crayon de papier, alors, justement, par rapport au fait que Julien disait que c'était pas PG-13, j'ai une petite pensée, justement, à ce moment-là, pour John Woo sur Chasse à l'homme. Ça m'a beaucoup traversé l'esprit quand j'ai vu le film, puisque John Woo, au moment de Chasse à l'homme, justement, il devait s'arranger pour que le film soit, c'était pas la même classification, donc il pouvait pas montrer, par exemple, une arme à feu qui tire et l'impact de l'arme sur le même plan. Voilà, fallait faire une coupe. Et je suis très content que John Wick s'amuse pendant des scènes très longues à faire ça et que ça. Et que ça marche. Et alors, le premier John Wick, c'est un film qui a failli aller directement à la case DVD. En tout cas, c'est un film qui a connu des gros problèmes de production peu de temps avant le tournage. C'était assez compliqué et d'ailleurs c'est pour ça qu'à un moment donné Basil Iwanik s'est tourné vers tous les investisseurs possibles et imaginables, dont Eva Longoria, qui a produit le premier film. Alors je sais pas exactement comment la rencontre s'est faite, en tout cas je sais que Stileski dit qu'il l'a jamais rencontré mais qu'il la remercie d'avoir signé un chèque, donc voilà, c'est une bonne chose. Alors on parle de John Wick, mais John Wick ça se regarde et ça s'écoute aussi. On va écouter Who You Talking To Man, interprété par le groupe Nostalgia, tiré de la BO du premier John Wick. Baby, all I need. Nostalgia tiré de la BO de John Wick numéro 1. L'industrie des cascades et du cinéma n'est pas aussi organisée qu'on pourrait le penser. Vous êtes connu pour une chose précise ou pour tout ce que vous avez fait auparavant et on vous appelle pour ça. On parle vraiment du moment de transition avant les Marvel et après les Matrix où tout le monde essaye encore de comprendre comment fonctionne ce nouveau monde digital où se mêlent les super-héros, Matrix et les arts martiaux. Et il n'y avait pas beaucoup de noms qui fonctionnaient sur des gros films d'arts martiaux. Donc tous les Jason Statham, Steven Seagal ou les Stallone, ils disaient tous « Oh, appelle ce mec-là, Chad, il sait faire ce genre de truc. » Donc on m'appelait et on ne me demandait que d'être le chorégraphe et je refusais. Ça ne m'intéressait pas de juste caler quelques mouvements comme ça. On prenait les boulots où le réalisateur voulait plus que juste ce qu'il savait faire, où il voulait quelque chose de cool. Heureusement, la plupart des réalisateurs avec qui j'ai bossé voulaient faire une vraie collaboration, être présents sur le film et y apporter leurs idées créatives et vraiment apprendre. Et ça m'aide de mon côté à apprendre aussi leur partie du travail. De la bonne action, c'est un processus, c'est pas juste moi. Je peux vous aider à avancer dans le processus, je peux vous guider dans le processus, mais si vous prenez juste ma chorégraphie ou même tout le travail de mon équipe et qu'on n'est plus là ensuite, tout repose alors sur le réalisateur, sur le monteur, sur les gens des effets spéciaux, et il y a un tas de trucs qui peuvent vraiment déconner. On vient d'entendre Chad Stahelski parler de son rapport à la réalisation et à la mise en scène des séquences d'action. Et justement, cette réalisation de John Wick, plan large, investissement physique des acteurs, l'entraînement de Keanu Reeves, il y a notamment aussi le développement singulier de son style de combat, le style de combat de John Wick, parce que Keanu Reeves est un acteur, oui. C'est pas un artiste martial. Pas tout à fait, non, non. Voilà, on le sait, et donc il a fallu développer une sorte de style de combat qui mêle judo, judo, ouais, beaucoup de mouvements de jiu-jitsu brésilien, hein, c'est quelque chose qu'on voit les... Il passe beaucoup de temps au sol, ouais, et puis après, il y a aussi le bagage, en fait, d'origine de Chad Stahelski qui est important là-dedans, puisqu'il est, il vient du kickboxing, il a aussi été instructeur chez Danilo Santo, enfin, je veux dire, ouais, il a un certain bagage, donc c'est assez important pour lui, et puis on en revient un petit peu à cette fameuse citation de Jackie Chan qu'on avait toujours quand il revenait d'Hollywood et qui disait, à Hollywood, on s'amuse à faire du montage pour cacher le fait que les gens ne savent pas se battre, mais nous, justement, on essaie de montrer au maximum que les gens savent se battre. Donc c'est vrai qu'il y a cette espèce de certain investissement physique des acteurs. Alors c'est vrai que, on l'a dit tout à l'heure, Keanu Reeves fait pas l'intégralité de ses mouvements. Il est plus honnête que Jackie Chan sur ce coup-là. Mais on voit qu'il fait beaucoup de choses. Et puis il s'est entraîné avec des gens qui sont quand même des références. On parle de Jonathan Eusebio qui a été fight chorégrapheur donc sur plusieurs films de la franchise. Il est aussi allé chez Dave Camario qui est un grand instructeur de l'American Kickboxing Academy, qui est un des entraîneurs de l'équipe olympique de judo américaine. C'est-à-dire, il s'est véritablement investi longtemps avec des gens extrêmement compétents pour rendre notamment le jiu-jitsu brésilien qui est quand même pas le truc le plus d'amour à l'écran, le truc le plus cinégénique du monde. Oui. Et voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas le jiu-jitsu brésilien tel qu'on peut le connaître ou le pratiquer, mais il arrive plus ou moins à le rendre spectaculaire à l'écran, quoi. Quand on le voit faire ses clés de bras à la volée, des choses comme ça, ça vient vraiment de là et de l'alliance entre ça et le judo. Et ouais, voilà, au final, je veux dire, je pense que l'investissement de chacun est hyper important, notamment de Keanu Reeves, et ça fonctionne assez bien à l'écran jusqu'à l'arrivée d'autres artistes martiaux qui vont apporter d'autres choses à partir du 3 notamment. Et c'est ça aussi qui m'a frappé dans la franchise John Wick dans sa totalité, c'est qu'à chaque opus, il y a eu cette volonté d'aller chercher des chorégraphes, des fois même plusieurs pour le même film, avec des styles de combat très très différents pour les marier et pour créer quelque chose d'assez divers, un petit peu comme dans certains jeux de combat où on voit la capoeira qui va se battre contre le kung-fu, qui va se battre contre le judo, contre l'art des sumos. Comme des numéros de comédie musicale, moi je dirais surtout. En fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette recherche de variété et de tempo différent. C'est ça aussi, hein, John Wick. C'est-à-dire que Chad Stahelski dit aussi, moi je fais un film à Jane Kelly en fait. C'est conçu comme un film de danse. C'est ça, mais c'est ce qu'à la base aussi ce qu'on aime en fait, à la fois dans les films de baston et dans la comédie musicale. C'est-à-dire que le cinéma de base, c'est l'art du mouvement. Je veux dire, quand tu remontes au cinéma des origines, à quoi ça servait les premiers appareils qui ont préfiguré le cinématographe des Frères Lumière? Ça servait à capturer le mouvement d'un cheval au galop, d'un homme qui marche, etc. Aller au musée Méliès, à la Cinémathèque pour réaliser tout ça. Donc, le corps en mouvement, qu'il soit humain ou animal, est fondamentalement important dans le cinéma. C'est l'essence même du cinéma. C'est pas deux, un couple qui se dispute autour d'une. Oui, d'un café. On ne les cite pas, mais on pense non, mais à très, très, très fort. On pense très, très fort. Et effectivement, Chastaïsky cherche ça. Marvin a cité beaucoup de chorégraphes ou de consultants et tout. Moi, ce que je préfère, c'est les Machado Brothers. Ouais, ouais, ouais. Alors, ils sont géniaux. Parce que tu te dis, quand tu les vois, il y a des featurettes sur eux que vous pouvez voir en ligne ou sur les, ouais, sur les bonus ouais, des, ouais. des Blu-ray et tout. Et ils sont super. Regardez ça, parce que les mecs, c'est notamment le, il y a un grand patriarche, en fait. Alors, je dis un grand, en fait, c'est un petit mec, tout gros et tout, qui est là pour instruire Quiñones. Et quand tu le vois, tu dis, mais pourquoi il est pas dans le film, quoi? T'as envie tout de suite qu'il soit dans le film, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Chastaïsky adore donc tout ce qui est cinéma d'action, etc. Et le cinéma hongkongais, on l'a cité. On parlera probablement du cinéma coréen, du cinéma indonésien un peu plus tard. Mais il adore aussi le ballet. C'est un truc qu'il cite très souvent, en fait. Il va beaucoup, d'une part, au musée. C'est aussi, je pense qu'on va en parler à un moment ou un autre. Mais il va aussi beaucoup au ballet. C'est un vrai fan de ça. Il est fan de Buster Keaton aussi. Alors ça, il faut qu'on en parle aussi, évidemment. Mais c'est encore autre chose, je pense. Mais juste pour terminer sur le ballet, Fred, si je peux. Tu vois, par exemple, dans le 2, il y a une scène, notamment en Italie, un grand gunfight pendant une grande fête, une grande assemblée et tout, où t'as tout le public qui s'écarte. Enfin, tous les figurants qui s'écartent pour laisser John Wick apparaître et commencer la baston. Ça, Chastaïsky, il l'a tiré directement d'un ballet qu'il avait vu auparavant, où il y avait justement un danseur qui pouvait s'avancer avec tout le groupe en fait de danseurs qui l'encerclaient au début, qui s'écartaient et lui il avançait au milieu. Et il assume ça même, tu vois, dans le montage, c'est-à-dire qu'il a une théorie qui est celle du montage symétrique. C'est-à-dire qu'il commence avec un plan large. Il continue avec un plan moyen, il finit avec un plan serré, il retourne au plan moyen et il finit avec un plan large. Pourquoi il fait ça? En fait, il fait ça pour justement égarer le moins possible le spectateur vis-à-vis de la topographie de la scène d'action d'une part et d'autre part de la chorégraphie des scènes de combat. Et juste pour appuyer par rapport au fait que tu disais qu'il y avait beaucoup de gens, par exemple beaucoup de chorégraphes et de coordinateurs différents sur le même film, on a vraiment des gens en plus qui sont mis dans leur zone de compétence parfois de manière assez spectaculaire. Je pense à la scène d'intro du 2, par exemple, on sait que c'est Darin Prescott qui a chorégraphié ça, qui a fait déjà un énorme travail, hein, notamment avec le Baby Driver d'Edgar Wright. Et voilà, je veux dire, il y a des choses comme ça qui sont, voilà, on a vraiment des gens qui sont mis dans leur zone de confort et vraiment dans leur... Mais parce qu'il les connaît. Bien sûr. Donc, il sait, Chastaïsky sait que Darin Prescott, c'est probablement le meilleur cascadeur automobile qui soit en activité aujourd'hui. Bien sûr. Donc, il sait qu'il peut aller le chercher, etc. Et on parlait tout à l'heure aussi de sa société de tournage. Tu vois, je pense aussi qu'il y a un truc, c'est que moi, je me souviens toujours d'un bonus dans X-Men 2, où il y avait une scène d'action entre Wolverine et qui était le personnage qu'interprétait Kelly Wu. Tu étais plus féru que moi. Lady Deathstrike. Lady Deathstrike. Merci beaucoup, Frédéric Sédrist. On ne peut pas le coller là-dessus. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tu vois la scène dans le film, c'est un bazar infini. Tu peux pas savoir qui fait quoi, ce qui se passe et tout. Et dans le bonus, tu voyais le modèle que les cascadeurs avaient filmé en vidéo dans leur salle, en fait. Et c'était hyper clair. C'était super, quoi. Tu voyais la scène, elle était trop bien. Mmh. Et je pense qu'il y a ça aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait aussi cette frustration, en fait, de se dire, nous, on fait tout ce boulot-là en amont et il est sacrifié après par un monteur mal informé, ça, les auditeurs peuvent se rendre compte parce qu'il y a souvent des vidéos, des pré-vidéos qui sont faites par les équipes de cascade qui sont incroyables, et on se dit mais pourquoi le film ne ressemble pas à ça? Pourquoi il ressemble pas à ça? C'est justement ce que ces cascadeurs devenus réalisateurs dénoncent en disant, bah voilà, nous on sait pas casser le tronc, on sait où poser la caméra pour que le film, pour que le coup ait le maximum d'impact et tout ça, donc pourquoi vous le gâchez par un montage épileptique et on les connaît les films, ou juste pour sauter une grille, on les connaît. Oui. Et alors, il y a aussi cette idée dans le premier John Wick, de montrer un casting, mais de cador quand même. Casting HBO un peu. Oui, qui est quand même incroyable, parce qu'il y a Lance Reddick, évidemment, qui nous a quittés, et Clark Peters de The Wire. Oui, déjà. William Dafoe. Donc je me suis dit, mais il est venu pour rendre Ils sont là pour 10 plans. Hein, c'est... Oui, mais c'est incroyable, parce qu'en plus, il n'y avait pas de budget pour le 1. Donc, après... 20 à 30 millions, c'est ça, Même moi, je crois. Non, mais en fait, un mec comme William Dafoe, il est hyper éclectique. C'est-à-dire que tu le vois dans des blockbusters, dans des films d'auteur, et puis dans pas mal de séries B, quand tu fréquentes encore les vidéoclubs qui peuvent exister, ou quand, en tout cas, tu vas traîner sur les plateformes, etc. Je pense que, à mon avis, dans le premier, c'était surtout de prendre les comédiens qui étaient disponibles et qui pouvaient ramener un petit peu de prestige au film, d'une part, et d'autre part, surtout, de donner corps immédiatement à des personnages secondaires qui, on va dire, d'un point de vue scénaristique, n'en ont pas beaucoup. Oui, le garagiste interprété par John Leguizamo. John Leguizamo, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu fous John Leguizamo, tu fous Willem Dafoe, même si les mecs disent les dialogues les plus banals du monde, ça s'il n'y a pas d'histoire de base, en fait, qui plante les personnages, tu t'en fous. C'est Willem Dafoe, c'est John Leguizamo, ils vont faire le show, quoi. C'est assez intéressant justement de constater que c'est une vraie, pour le coup, alors on parle encore du premier, mais c'est pour le coup une vraie méthodologie de série B avec un peu d'ambition, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est placer ces acteurs-là comme ça. Je veux dire, bon, il y a ces noms-là au casting, c'est toujours intéressant de venir. Il y a Adrienne Palicki qui joue une tueuse. Qui peut être un mec à la base, d'ailleurs. Oui, il y a Alfie Allen. Theon Greyjoy dans Game of Thrones. Et puis Ian McShane qui est déjà finalement un petit peu au-dessus du lot, quoi. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est que quand les suites vont arriver, ils vont remplacer ces acteurs-là par des mecs de baston. Ouais, voilà. Et ça me fait plaisir. Oui. Il y avait déjà Daniel Bernard dans le premier. Oui, et d'ailleurs, j'ai vu qu'il continuait à faire des cascades sur les suites. Oui. Il est là dans la team, ouais. Mais tu vois, il y a Gary Daniel, mes souvenirs sont bons, Gary dans le 2. Ouais. Évidemment, il y a Donnie Yen qui apparaît dans le 4. C'est trop cool, quoi. Enfin, Donnie Yen, quoi, quand même. Donc, il y a des comédiens, en fait. Scott Adkins, évidemment, qui apparaît. Dans sa dédicace à Sammo Hung. Oui. Voilà. Oui, bon. Bon, ça, c'est pas le meilleur truc. J'ai pas compris l'intérêt. Mais j'ai trouvé ça un peu décevant aussi. Alors, j'explique, que dans le quatrième chapitre de John Wick, Scott Adkins, qui était un acteur très connu du monde des amateurs du cinéma d'action, interprète un personnage russe, dans un costume de personne très, très, très, très, très enveloppé, pour rendre hommage à Sammo Hung. Sammo Hung étant le flic de Shanghai. T'es pas gentil, Fred. Je suis vraiment pas gentil, mais simplement pour le grand public. Quand j'ai parlé de l'opéra de Pékin, de Yuen Bao, les gens me disent: attends, Sammo Hung, le flic de Shanghai. Oui, le grand public, c'est le flic de Shanghai. Pas de problème. Donc on est obligé de. Voilà. Sammo Hung, ce qui était étonnant, effectivement, c'est que c'est un mec très corpulent. D'après Jackie Chan, c'est parce que très jeune, il avait eu un accident et qu'il était resté alité à l'hôpital. Et que je crois que c'était sa mère qui lui apportait des plats de nouilles tout le temps. Il bouffait tout le temps, il est ressorti alors qu'il était maigre comme un clou et très gros. Alors je ne sais pas si c'est théorique. Ils expliquaient aussi que beaucoup de légendes. À l'opéra de Pékin, il paraît qu'il se faisait taper dessus pour qu'il maigrisse. Oui. Et en fait, lui, il était tellement tête de pioche que la nuit, il mangeait pour rattraper. Mais c'est un acteur qui est incroyable. Moi, j'adore Sammo Hung. Déjà, en tant que chorégraphe de combat, c'est un grand monstre. C'est une star du cinéma de Hong Kong. Et c'est surtout cette capacité à apporter de la grâce alors qu'on est très corpulent, quoi. C'est incroyable, en fait, de le voir bouger et tout comme ça. Ah bah, dans Marin des Mers de Chine, le combat à trois avec Yuen Bao plus récemment, je veux dire, on voit dans SPL contre Donnie Yen, c'est même pas sa chorégraphie, parce que c'est Donnie Yen à ce moment-là qui chorégraphie, mais je veux dire, il est hyper impressionnant. Il est capable de connaître son corps aujourd'hui à son âge. Il a même complètement fait évoluer son style de combat, maintenant tout le monde s'est un petit peu inspiré de cette période de Donnie Yen, un peu combattant postmoderne. Je pense que justement on en reparlera un peu plus tard. Oui, où on commence importer des éléments de MMA. Les mecs se sont intéressés au MMA dans les années 2000 et c'est vrai que ça a beaucoup changé le paradigme de la chorégraphie d'Hong Kong. Mais avant on avait quand même, pour schématiser, évidemment, les puristes vont dire non, c'est plus compliqué que ça. On va peut-être schématiser. on était quand même dans un truc très kata, où le geste était pur, était beau. Il y avait une certaine recherche de la tradition, en tout cas dans le kung fu pian, dans un certain type de kung fu pian, on va dire. Mais pour terminer, on pourrait quand même dire que Sammo Hung a plus de grâce que Scott Adkins en fait. Non, mais le truc, c'est que Scott Adkins est connu. En fait, lui, c'est donc une star du cinéma d'action. Vraiment donc toute B, proportion gardée dans des vraiment des séries B qui sortent qui sont directement sur les plateformes ou enfin voilà qui y a quasiment pas qui sont sortis en salle à part quand il a des seconds rôles et tout, mais il s'est distingué par sa capacité à être hyper mobile, à être hyper dynamique. C'est un mec qui est très caisse mais qui est pas très grand et qui fait des sauts incroyables. Et c'est vrai qu'il est empêché par cette fat suit, là on appelle ça une fat suit, hein, c'est le terme technique, et il est empêché par ça et tu te dis mais pourquoi finalement la promesse, quand j'ai vu la première photo, je me suis dit, ouais, trop cool. Alors, en fait, tu le vois. J'ai eu un élément de réponse. J'ai regardé un podcast de Maxime Chao. D'ailleurs, je le salue. Et dans lequel il parlait avec Chad Stahelski. Il disait qu'il fallait équilibrer un peu entre les capacités de Keanu Reeves. Et aussi, il dit la même chose pour Donnie Yen aussi, pour disant qu'il avait rendu aveugle pour cette raison-là. Parce qu'en fait, Chad Stahelski et Keanu Reeves étaient un petit peu déçus de l'affrontement qu'il avait mené dans John Wick 3 contre les acteurs qui avaient joué dans The Raid. Marc Dacascos aussi. Hein. Oui, et qui a pas le même bagage, qui avait un niveau qui était tellement bon à l'écran que Keanu Reeves commençait un petit peu à montrer des signes de fatigue, genre je peux pas faire comme... C'est pour ça que dans John Wick Parabellum, on a un dernier tiers qui quand on voit le combat Keanu Reeves Marc Dacascos qui va plutôt lorgner du côté de la kung-fu comedy quoi. Oui. Dans le tempo comedy. Disons que t'as du mal à croire que là Keanu Reeves est à la hauteur de ces deux mecs là. Il faut une blague d'ailleurs avec les deux acteurs de The Raid, à un moment les mecs ils disent il est tout lent et tout, parce que les mecs c'est incroyable, ils sont fou quoi, la façon qu'ils ont de bouger, etc. Et c'est vrai que tu vois qu'il est pas tout à fait à la hauteur quoi. C'est compliqué. Bon, moi je m'en fous, mais honnêtement je trouve qu'il démérite pas non plus dans les affrontements qu'il a quoi. Je reste un petit peu déçu de pas avoir un volume 2 de Donnie Yen Scott Adkins, ça avait bien marché la dernière fois, donc mais ce qui est étonnant de Keanu Reeves d'ailleurs, c'est que c'est un acteur qui est pas fait en fait pour les arts martiaux physiquement. C'est un mec qui est plutôt grand. Oui. Donc les mecs grands en général dans le, tu vois, toutes les stars surtout du cinéma d'art martial dont tu as parlé tout à l'heure sont des mecs plutôt petits hein, en général quoi. Donc lui il est grand et c'est vrai qu'il est pas très rapide, tu vois. Donc je pense aussi que la méthodologie de combat qu'ils ont développée autour du personnage de John Wick est aussi indexée sur les capacités physiques en fait. C'est aussi pour ça qu'on utilise dans le fameux Gunfu. On met beaucoup en avant le judo, le jiu-jitsu brésilien qui sont des sports qui sont censés faire primer la technique sur un quelconque gabarit, quoi. Oui. Voilà, c'est aussi ce qui lui permet d'être crédible face à des gabarits comme Scott Adkins, qui est quelqu'un qui est physiquement assez impressionnant, assez impressionnant. Et très très explosif. D'ailleurs, même dans le fat shoot, il lance assez bien son coup de pied retourné, ça va. Voilà. Bonsoir, Winston. Jonathan. Si je ne m'abuse, tu étais celui qui donnait les coups, pas celui qui les recevait. Je dois être rouillé. En quel honneur cette visite ? Youssef Tarasov. Eh bien quoi ? J'aimerais avoir une discussion avec lui. Une discussion ? Tu en es certain ? J'aime le vrai sens des mots, Jonathan. Réponds à ma question. Aurais-tu repris du service ? Simple visite de courtoisie. Tu as pesé le pour et le contre ? Une vraie réflexion, profonde, sans équivoque. Tu es sorti de ce milieu. Si tu replonges dans le business, ne serait-ce qu'un pauvre orteil, tu risques de découvrir des choses qui t'empêcheront à tout jamais de refaire surface. Où est-ce que je peux le trouver ? Tu connais les règles. Aucun business ne peut avoir lieu dans nos établissements, sous peine de lourdes représailles. On vient d'entendre Winston interprété par le classieux acteur Ian McShane et doublé en français par Philippe Catoire et également Keanu Reeves interprétant John Wick et doublé par Jean-Pierre Michael. Alors il y a cette idée aussi dans John Wick de mythologie qu'on effleure dans le premier, mais voilà où il y aurait une société secrète, un hôtel sanctifié dans lequel on a le droit de tuer personne, on se paye avec des vieilles pièces d'argent Voilà, il y a la grande table, ensuite une organisation qui regroupe toutes les mafias du monde, où grosso modo tous les services publics connaissent tout le monde, les policiers, les chauffeurs de taxi. L'intégralité de la population new-yorkaise dans le second volet, j'ai l'impression, fait partie du truc. Hein. Mais il y a même plus trop de flics, d'ailleurs, je crois, dans les deux nuits. Bah, on en voit dans le premier, mais ouais, le premier est au courant, puis ils disent, je ne peux pas m'emmêler. C'est bon, tu travailles. Et puis les forces de l'ordre disparaissent. Moi, j'ai toujours vu cette espèce de création d'univers parallèle comme un passe-droit, en fait. C'est un truc où tu dis au public, voilà, de toute façon, ça ne se passe pas dans ta réalité. Ça se passe ailleurs. C'est presque comme si c'était... ça se passe dans la terre du milieu. Tu vois, il y a un truc où tu dis... Donc, t'as les lois physiques, sociétales, morales, que tu connais habituellement et qui s'appliquent, elles ne s'appliquent pas là. Donc, tu as le droit, en fait. T'as le droit d'accepter cette action-là. T'as le droit d'accepter que les mecs se fassent subir ça. T'as le droit d'accepter que Keanu Reeves chute d'un gratte-ciel et qu'il se relève. Oui, et il y a aussi... T'as le droit d'accepter qu'on privatise le Trocadéro. Oui, la Tour Eiffel. Bien sûr, c'est la même chose. Effectivement. Et il y a cette idée aussi qui me fait sourire parce que c'est à la fois l'utilisation d'un classique, mais aussi assez immature quand on y réfléchit, parce que bon, c'est totalement immature. Il y a ce côté convocation de la mythologie en permanence. C'est-à-dire qu'on voit clairement que John Wick va aux enfers. Lance Reddick, il s'appelle Caron. voilà, et d'ailleurs. Ah, c'est littéral. Hein, ah, c'est littéral. C'est-à-dire quand ils vont dans une discothèque, sa femme, c'est Hélène. Il y a un truc de fou, quoi. Oui, mais c'est... Pour moi, ça reste du trope de série B, en fait. Hein. Je veux dire, c'est une excuse, c'est un prétexte. Est-ce qu'on est vraiment là pour le développement narratif ? Je ne sais pas. Moi, à partir du moment où j'ai accepté le contrat dans le premier, je suis OK pour la suite, quoi, on va dire. Hein. Voilà, c'est vrai que j'étais assez enthousiaste quand je voyais les éléments distillés un petit peu comme ça en surface. Bon, après, il a fallu... on va dire, développer un petit peu l'univers au fur et à mesure que l'argent et les budgets sont aussi développés, et la durée des films. Oui, mais, des règles qu'on invente supplémentaires à chaque épisode. Oui, mais là, tu as été excommunié parce que tu as tué quelqu'un dans l'enceinte du Continental. Mais par contre, si jamais tu vas voir le grand maître qui est dans le désert, eh ben, tu auras une pièce qui te permettra finalement, ça sert à rien, en fait. Mais bon, voilà. Oui. C'est pas très grave. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça dépend. C'est-à-dire que si, en plus, ces nouvelles règles sont introduites par Angelica Houston, par exemple, qui surgit tout à coup dans cet univers, avec tout son bagage aussi à elle et tout. Oui, qui est la chef de Rusca Roma, la mafia qui a fait naître John Wick. Ok. Mais oui, moi, je suis d'accord. Je suis trop content de voir Angelica Houston dans un film comme ça, complètement désinhibé, avec une vraie cruauté assumée, etc. Moi, ça me fait rigoler. T'as aussi un goût... Qui entraîne des danseurs étoiles. Oui, en plus. Ça a du goût pour la danse, apparemment, ballerina, on en parlera aussi avec tout à l'heure. Avec Anna de Armas qui va arriver, va découler aussi de cette scène-là. Mais bon, finalement, c'est pas très grave. Disons que le problème dans les John Wick, c'est quand Chassaïski s'en mêle un peu les pieds dans le tapis de tout ça. C'est-à-dire que il a, en tout cas dans le cadre, c'est sensible, il a un problème de priorité. Mmh. T'as l'impression que le gars se dit, attends, ce que les gens aiment, c'est tout cet univers. Non, alors que non. Cet univers, on l'aime comme une porte d'entrée, en fait, je pense, à de la baston et des coups de crayon de papier dans la tête. Quoi, ce qu'on voit dans le cadre, c'est pour moi, c'est le moment où il commence à se prendre un petit peu au sérieux début, avec sa mythologie. Quoi. Oui, avec le marquis français. Le début du moment où il commence à se prendre un petit peu au sérieux avec sa mythologie, je suis pas sûr qu'on ait besoin de ça. C'est surtout qu'il prend beaucoup de temps pour l'exposer. Pour des monologues devant des tableaux. Ce qui est très paradoxal, puisqu'il déclare aussi à l'époque du 2, je crois, il disait Keanu et moi, on déteste les scènes d'exposition des films d'action. Et tu te retrouves avec le 4. Alors que sur 2h50, forcément, une exposition. Et encore, il n'y en a pas tant que ça. Mais et après, heureusement, t'as des trucs incroyables comme la scène sur la place de l'Étoile ou la séquence à Montmartre aussi, sur les escaliers à Montmartre. C'est trop cool. Et il y a un autre truc aussi, c'est que le cinéma reprend ses droits aussi. Tu vois, on parlait du Trocadéro tout à l'heure, mais moi, je suis content, en fait, de voir ça. Je suis content en tant qu'habitant à Paris, en tout cas, c'est trop cool, en fait, de dire, On a ces scénographies-là potentielles. Exploite-les. Et puis, on s'en fout, quoi. J'ai lu ce matin un très bon article de Philippe Gage sur le cauchemar parisien. Sur le cauchemar parisien. Et en même temps, pour ceux que ça étonnait, c'était totalement prévisible. C'est-à-dire qu'un tournage de cet acabit à Paris, et si jamais on a beaucoup moins de films de bébelles comme on en a connu dans les années 80 où ils courent de toit en toit, c'est parce qu'il y a une législation qui ne le permet plus. Il y a quelque chose de très paradoxal d'ailleurs, dans la, justement quand on regarde ce papier-là, dans l'attitude de Stahelski qui est toujours en train de défendre une immense préparation de ses cascadeurs. Oui, mais non. Et là, en termes de logistique par exemple, qui est complètement instinctif sur le coup. Quoi. Alors déjà, moi je pense que Thunder Road Pictures, c'est une petite boîte. Ouais, bien sûr. C'est une petite structure. Et je pense que les John Wick, c'est des films qui repoussent les murs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour donner le truc et tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que Stahelski a repris les méthodologies de Hong Kong dans leur totalité, dans leur globalité. Comment ça se tourne un film de Hong Kong ? T'as pas les autorisations pour filmer. Les mecs font des horaires de malade, de fous furieux, quoi. Et il y a beaucoup d'impro. Parce que, évidemment, quand bien même, même s'ils avaient fait tous les repérages, tous les machins, etc., t'improvises aussi en fonction de l'énergie du comédien ce jour-là. T'as une nouvelle idée quand tout à coup tu commences à installer les lumières, les machins, etc. Ça a toujours fonctionné comme ça, Hong Kong. Et lui, il essaye en fait de se réapproprier cette méthodologie de travail-là. C'est compliqué pour les équipes de tournage occidentales, quoi. Et puis particulièrement à Paris, où la moindre rue est classée. Donc c'est compliqué. Moi, j'ai eu des potes aussi qui ont bossé sur le film en fait à Paris, notamment en tant que régisseur, et qui avaient j'ai eu des échos assez différents. C'est-à-dire que les mecs disaient notamment que Keanu Reeves n'a pas fait mentir sa réputation. C'est-à-dire que le mec, il aide à trimballer les escaliers à Montmartre pour de vrai, qu'à la fin du tournage sur les escaliers à Montmartre, il est venu avec toute l'équipe de, il a fait réunir toute l'équipe en fait des cascadeurs, il a descendu avec ses assistants qui avaient des petits colis en fait, des petits sacs, et il a offert les sacs à chacun des cascadeurs. Dedans il y avait une montre qui coûtait les yeux de la tête et plein de petits cadeaux, quoi, tu vois. Donc il y a ça aussi, cette partie. Et selon les échos qu'on peut avoir par contre aussi sur les équipes de cascade, c'est que cette sympathie de Donnie Yen, c'est pas du tout quelque chose qui se retrouve de Keanu Reeves, c'est pas du tout quelque chose qui se retrouve chez Donnie Yen. Et Donnie Yen, c'est une personnalité hyper dur à gérer. Et puis Donnie Yen, c'est connu. C'est Scott Atkins qui le disait aussi. Oui, bien sûr. Donnie Yen, c'est un mec qui fait mal, par exemple. Il retient pas les coups. Leur premier duel qui a eu lieu dans Hitman 4, Scott Atkins est arrivé en disant bon. On va essayer le petit 60 ans, là, je vais pas. Et enfin, apparemment, il lui arrêterait dedans tout de suite, il n'y a aucun problème. Et voilà. Bah, de toute façon, il y a quelque chose qui est assez clair dans le cinéma de Donnie Yen et dans les films qu'il a fait et qui l'ont fait connaître. C'est que la manière dont c'est filmé, il ne peut pas tricher. Son célèbre, son triple coup de pied, là. Aucun acteur peut tricher avec ce mouvement-là. C'est-à-dire que tu es obligé de mettre trois coups de pied. Il n'y a pas d'envie de tricher du tout chez Donnie Yen. C'est quelqu'un qui aime taper, il le dit. Parfois, j'aime taper sur les gens pour vivre. Voilà, c'est sa personnalité, quoi. non, mais c'est terrible. Il a trouvé le métier qui va. Sa personnalité, c'est aussi un combattant frustré à l'origine de sa carrière de Nien. C'est quelqu'un qui comptait faire une carrière dans les arts martiaux ou dans les sports de combat tant qu'athlète. Sa mère était MMA. Prof de Tai Chi. Et c'est un très, très grand fan de MMA. Il aurait rêvé de faire une carrière en MMA. Et pour lui, le cinéma, ça a presque été un palliatif, finalement, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui a un véritable goût de la. Ouais, du combat, autant en tant que art martial noble, mais aussi en tant que sport de combat, en tant que duel de force, quoi. Et c'est un mec difficile, je sais que de toute façon, oui, sur Blade 2, ça s'était très très mal passé. Il s'est beaucoup plaint de Del Toro, mais j'imagine que vu son attitude à lui, Oui, et même sur Rogue One, dans lequel il a réécrit le personnage. Après. A raison, c'est-à-dire parce que il trouvait qu'il y avait énormément de clichés, de stéréotypes asiatiques qui ne lui plaisaient pas. Je sais pas si c'est sur John Wick 4 ou sur un autre film, mais où on lui demandait une fois de plus de jouer un personnage qui s'appelait Chan, et il a dit mais pourquoi il s'appelle Chan et en fait il y a aussi il est force de proposition. Il y a aussi une histoire de contexte, parce que peut-être que, on va dire, le grand public s'en rend peut-être pas compte, mais Donnie Yen, c'est une star immense en Chine. Il y a quand même une décompression au moment d'arriver sur des productions hollywoodiennes où on le considère pas exactement à son statut. Justement, ça me donne la transition parfaite, c'est parce que il faut pas oublier que cette franchise John Wick, si vous l'aimez, si vous avez aimé l'épisode 4, 3, etc., c'est une énorme porte vers un cinéma qui existe déjà. Et d'habitude, quand on voit un acteur de une petite pépite dans un film, on peut se dire je vais suivre sa carrière de près. Mais là, ce qui est formidable, c'est que en fait il y a beaucoup d'acteurs qui avaient déjà une énorme carrière avant. Et donc les films sont déjà faits, et il y a notamment tout un cinéma qui est convoqué via la franchise John Wick, cinéma de Hong Kong, cinéma indonésien, avec des chefs-d'œuvre qui dépassent la qualité d'un John Wick. Ça faut pas je ne dis pas le contraire. Et non, mais parce t'as peur que... de te faire taper sur les doigts. Non, mais parce que je le pense. C'est-à-dire que c'est clair, bien sûr, évidemment. Voilà, c'est-à-dire que John Wick pour moi est un prétexte pour dire regardez ces films-là. Vous parvenez à les trouver, parce que souvent le gros problème. Il faut passer parfois par. Ah bah en termes d'édition, c'est compliqué. Ça dépend. Bon, il y a des gens comme Spectrum qui essayent de distribuer ça en France. Après, on peut aussi acheter les éditions anglaises, notamment. Elles sont très très belles en plus. Par exemple, tu vois, il faut voir, à mon avis, la saga Il était une fois en Chine. Denis Yen était dans le 2. La secte du Lotus Blanc. Il a affronté Jet Li à la fin du 2 et c'était un combat, mais un truc de dingue, quoi. Dans un échafaudage de bambous. C'est ça. Combat qu'ils ont plus ou moins reproduit à Hollywood ensuite dans Shanghai Kid 2. Voilà. Non, le clin d'œil était sympa, mais le combat est beaucoup bon. Et ça, pour le coup, il existe un coffret en Angleterre. Oui. C'est pas très très cher et ça s'importe. On avait eu les honneurs d'une distribution avec les cassettes VHS de HK Vidéo, HK Magazine, qui était grandiose. HK, qui maintenant n'existe plus vraiment. HK, ils ont fait énormément pour la connaissance. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses en fait du cinéma hongkongais et japonais grâce aux éditions HK qui étaient chaperonnées par Christophe Gans notamment, qui était accompagné d'un magazine, donc c'est pareil, aller chez les bouquinistes, magazine super classe, ah ouais, magnifique, ouais, et aller chez dans et un bouquiniste et essayer de vous choper, ça coûte une fortune, je vous préviens. L'intégralité tous, mais là vous avez un trésor si vous les avez touchés, mais oui c'était des super VHS, et après ils ont sorti quelques DVD Blu-ray encore moins, malheureusement ils ont un peu abandonné ça, ils ont sorti un peu de coréen récemment en fait. Surtout, encore une fois, si du côté de Reka, par exemple, en Angleterre, ça reste très très facilement accessible. Et encore une fois, certes, il n'y a que des sous-titres anglais, mais finalement, les sous-titres, c'est pas très important en fait. Sachez que nous aussi, on a découvert ces films-là avec des VCD tout pourris, en cantonais, sous-titrés mandarin, tu vois, par exemple. Donc bon, c'est pas grave. Mais ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a ce rapport-là, ce cinéma-là dans John Wick, quoi. Clairement, voilà, il y a plusieurs éléments évidents. Il y a même des clins d'œil absolus. Par exemple, on sait que la radio des tueurs dans le John Wick 4 s'appelle Wusha. Voilà, la structure du développement du personnage de John Wick, ça pourrait s'appliquer, bon, comme beaucoup de récits héroïques, hein, vous me direz, à une structure de Wusha, avec un espèce de héros qui évolue comme ça entre les lignes, sans trop de factions, qui va rétablir l'ordre. Et puis, il y a des choses, surtout en termes de narration environnementale, on va dire, hein, alors là, j'en parle en parlant de cinéma, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus utilisé dans le jeu vidéo comme terme, qui va chercher du côté un petit peu du Kung Fu Pian, ou surtout même de la Kung Fu Comédie par instant, quoi. Quand on parle du dernier tiers, justement, de John Wick 3, quoi. Avec ces choses-là, ces éléments du décor qui vont rentrer progressivement dans le cadre, avec un espèce de payoff permanent au moment où forcément les protagonistes vont les utiliser, quoi. C'est la mise en scène de Lucha Lang un petit peu, ou de Jackie Chan dans Drunken Master, c'est ce genre de choses. Et puis bah évidemment, on parle de gunfight, alors de John Woo, oui, pas non. Tant que ça, moi c'est pas quelque chose que il y a très peu de ralentis par exemple dans John Wick. Il y a quelques ralentis, mais surtout il y a assez peu de romantisation de l'action comme chez John Woo, quoi. C'est-à-dire qu'on va pas avoir, on est sur quelque chose, on l'a dit tout à l'heure, de plutôt clinique. Oui, on n'est pas dans les ralentis ou on n'est pas sur les build-up. Par exemple, si on prend l'exemple de Hard Boy, là, toute épreuve, on n'est pas sur le même genre de build-up. Là, on est sur quand même un gimmick de répétition dans les John Wick avec un schéma prédéfini qui va se répéter. Alors que dans Hard Boy, on va avoir plus de plan séquence dans Triple R que. Complètement, ouais. Alors que dans Hard Boy, on va avoir un plan séquence qui va s'enchaîner avec une scène de suspense, avec des bébés, des tas de trucs qui vont se passer au même moment. Mais donc, s'il fallait trouver un équivalent, on va dire au polar post-nouvelle vague de Hong Kong, je sais pas, je le verrais peut-être un peu plus proche de Johnny To, par exemple, que de John Woo. Je verrais plus de Breaking News sous stéroïdes que de Hard Boy ou ce genre de choses, quoi. Et un conseil que vous pourriez distiller comme ça aux auditeurs sur un film à découvrir si jamais ils ont aimé un film, l'univers John Wick. C'est compliqué. Moi, on l'a évoqué tout à l'heure, mais. Revenez à Buster Keaton, quoi. C'est cité deux fois dans la saga John Wick, surtout dans le 2 où il y a carrément un extrait de. Alors je crois que c'est Sherlock Junior, je crois, qui est diffusé sur une façade d'immeuble. Oui, comme on ça. Le voit. Oui. Et Buster Keaton, je veux dire, si vous aimez la cascade, si vous aimez les performances physiques, si vous avez envie de voir un comédien en fait. Qui sait filmer la façon qu'il a de se mouvoir et de se mettre en danger, etc. allez voir ces films. Regardez une machine de guerre, une le mécano de la générale. C'est incroyable. C'est hyper. Après, et le truc aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé du cinéma asiatique. On n'a pas parlé. Il y a, par exemple, ils reprennent une scène de The Villainess, qui est un film qui n'est pas terrible du tout. Non, mais la scène, c'est la même. Mais la scène, par contre, des motos, par exemple, dans le 3, vient directement de ça. Moi, je trouve qu'ils la font mieux, pour le coup, que dans le film coréen. Mais voilà, on a parlé de The Raid tout à l'heure aussi. Mais revoyez aussi des polars des années 70 américains, c'est-à-dire Point Blank, par exemple, de John Boorman est directement cité avec Lee Marvin, est directement cité en fait dans John Wick ou The Mechanic avec Charles Bronson. En fait, ça c'est exactement la même ambiance. Et Marvin parlait tout à l'heure de la radio dans le 3, dans le 4, pardon. Il y a une séquence justement sur la place de l'Étoile où il y a une voix lascive en fait qui vient scander comme ça la scène d'action en passant des trucs. Ça voilà, c'est les guerriers de la nuit de Walter Hill, total. C'est aussi à voir, c'est aussi dans les films occidentaux des trucs d'action vénère qui constitue les Guerriers de la Nuit, c'est génial parce que c'est pareil en fait. C'est presque un film de SF, c'est presque un film post-apo à la Mad Max. Et en plus, alors là pour le coup, j'ai vu hier soir. Il a été réédité sur Paramount Plus. Vous pouvez la voir et pendant une semaine, l'essai est gratuit. Il y a un film qui peut être intéressant à voir aussi. Alors plutôt du côté de Hong Kong pour le coup, c'est un film qui s'appelle Peace Hotel, qui est le dernier film de Chow Yun-fat avant qu'il parte aux États-Unis, qui a été fait par Wai Kai-fai, alors qui n'est pas le réalisateur le plus brillant. Ou le scénariste le plus brillant, mais en tout cas c'est d'ici qu'on a tiré un peu ce trope de l'hôtel qui sert de refuge à des gens dont la tête est mise à prix. Et puis si les gens veulent voir quelque chose qui soit relativement proche, on peut voir par exemple Donnie Yen, si vous avez le cadre dans sa zone de confort, peut-être aller regarder un film qui est sorti il y a pas si longtemps, c'est son film précédent qui s'appelle Raging Fire, qui est le dernier film de Benny Chan qu'il a fait juste avant de mourir. Donc voilà, qui est pour le coup un, et même encore SPL ça vaut le coup. Flashpoint, SPL, Dragon Tiger Gate, bien sûr. C'était cool, quoi. Même Tiger Cage, il y a des choses comme ça qui sont. Et les Hitman aussi. Les Hitman, bien sûr. De Wilson Yip aussi. Où il incarne cette figure du maître de Bruce Lee. Et pour le coup, c'est tout à fait accessible en France, quoi. Ah là, pour le coup, les 4 Hitman qui sont sortis en salle. Même le 4 est sorti en salle. Et ceux avec Donnie Yen en particulier, mais même les autres, moi, je trouve. Il y en a quelques-uns. Même le Grand Master de Wong Kar-wai. Bon, là, on passe sur autre chose, mais. Il y a des jolis. C'est très léché. C'est beau. Non, il y a un autre truc aussi, c'est qu'on a, n'oubliez pas aussi qu'en France, on a des films qui préfigurent aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que la référence de, une des références en tout cas de Keanu Reeves et de Chad Stahelski, c'est le samouraï de Jean-Pierre Melville. Bien sûr. Et de John Woo. Mais il fallait le citer quand même. Bien sûr. Et c'est la référence aussi de John Woo. Faut pas oublier ça, en fait. Faut pas oublier aussi qu'en France, on a eu ça. Il y a un bar, je crois, dans le premier qui s'appelle le Red Circle. C'est le Cercle Rouge, c'est une des influences de Kolstad. C'est un hommage au Cercle Rouge de Melville. Et Jack Stahelski, d'ailleurs, il le citait directement, le Cercle Rouge, en disant que c'était c'était une série. Eh bien, vous me donnez une transition toute faite pour écouter le prochain morceau qui fait justement la synthèse de ces influences. On va écouter Marie Douceur, Marie Colère, interprétée par Manon Hollander, tirée de la BO de John Wick 4, une reprise du titre culte des Rolling Stones, Paint in Black. Marie Colère existe aussi, fait bien. Marie Douceur, Marie Colère, tirée de la bande originale de John Wick 4. What brought you back, John? Qu'est-ce qui t'a ramené ici, John? A marker. Une dette. Held by? Envers qui? Your brother. Ton frère. Tell me, John. Dis-moi, John. This marker. Cette dette. Is it how you got out? C'est grâce à elle que tu t'es retiré. And what was her name? Et comment s'appelait? This woman whose life cette femme dont la vie a été vengée en échange de la mienne. Helen. Hélène. Helen. Helen. This Helen. Cette Hélène. Was she worth the price? Valait-elle vraiment le prix qu'on te demande de payer? Now. Alors. Let me tell you what happens when I die. Laisse-moi te raconter ce qui va se passer à Santino mon décès. Will lay claim to my Santino va réclamer le siège qui est le mien à la grande table. He will take New York. Il s'emparera de New York. And you. Et c'est will toi have been the one who gifted it to him. Qui lui aura offert ce cadeau. What would you Helen think about that, John? Qu'est-ce que ta chère Hélène penserait de ça, John? What would you Helen think about you? Qu'est-ce que ta chère Hélène penserait de toi? On vient d'entendre Claudia Guérini qui interprète Gina Di Antonio, voilà, qui dans une très très belle scène et elle est doublée en français par Déborah Perret dans John Wick 2. Justement, j'aimerais aborder un sujet dont on n'avait pas encore parlé, c'est la place des femmes dans John Wick. Parce que, on l'a dit, c'est quand même un film ultra violent, il n'y a pas beaucoup de personnages féminins, et en repensant à ce combat contre Adrienne Palicki dans le premier, hein, se pose aussi la question, qui est toujours la même dès qu'il y a des films d'action, qui est la représentation d'un homme qui tue des femmes. Et donc, est-ce que c'est ce qui explique leur relative... Alors, il y a Ali Berry dans Parabellum. Je sais pas, je... Ah ouais. Mais je me suis toujours demandé si c'était pas ça le vrai fond du problème. Moi, je trouve ça bien que les femmes soient par égales avec les mecs, en fait. Je trouve ça bien qu'en fait, qu'Adrienne Palicki, elle s'en prenne plein la tête comme les autres comédiens masculins, en fait, finalement. Enfin, mais j'ai remarqué que quand, pour lui mettre un coup, oui, pour l'assommer, ils mettent un drap pour qu'on ne voit pas. Ouais, ouais, peut-être. Et en fait, il y a des effets stylistiques pour qui cachent en fait la violence qui est appliquée au reste du casting. Quand John Wick tue un tueur avec un livre, là, ça les gêne pas de montrer. Et donc en fait, je me suis dit, mais ce serait, voilà, il y a un avec vrai problème. Voilà. Incroyable physique d'ailleurs. il a des mains énormes. Ouais. Non, après, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de personnages féminins. Elles sont les femmes sont pas très représentées non plus, non, dans cet épisode, hein. Mais je sais pas, c'est vrai que je me suis pas vraiment posé la question là-dessus. C'est-à-dire que quand il y a Libéry qui arrive quand même dans le 3, elle se pose là quand même. Le personnage, il est cool, il est bien présent. Angelica Houston aussi, elle joue super, mais bien la badass. Elles sont relativement préservées. Là où, quand par contre, l'actrice, je pense à Charlize Theron dans Atomic Blonde, décide d'incarner le personnage principal, là, c'est... Elle donne une sorte de consentement à, ok, je vais prendre cher, mais je vais en sortir grandi. Mais j'ai l'impression que quand c'est des films comme ça, où par contre c'est le héros est un homme, là ça pose problème. Ah ouais, de le montrer. Je sais pas, j'ai l'impression que Ruby Rose, par exemple, elle s'en prend plein à la tête, quoi, elle prend cher, quoi. Et c'est un personnage hyper important, quand même. Hein. Ouais. Donc je sais pas, ça. Je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas vraiment de réponse là-dessus, hein. Frédéric. Donc. Je n'irai pas sur cette colline non plus. Ouais, mais restons où nous étions alors. Mais tu vois, par exemple, tu citais Atomic Blonde qui est faite aussi, qui est un film un peu vaguement cousin en fait de John Wick. Mais c'est effectivement, c'est quasiment le sujet du film en fait. Oui. C'est-à-dire de voir cette actrice qui est presque comme une icône de mode, hein, c'est ça, Charlize Theron, elle a une prestance, elle a un charisme absolument incroyable, et qui s'en prend plein la tête, qui est abîmée en fait par le film, et jusqu'à quel point elle garde sa prestance. Bah oui, elle le garde, elle la garde jusqu'au bout, parce que c'est Charlize Theron. Oui, quoi, donc, on l'a vu dans Fury Road, elle est tout le temps magnifique, quoi. Donc voilà, après... Je vous ai part de... d'une de mes obsessions personnelles. Attention, jusqu'où on va aller là? Non, mais on est là, on est entre nous. Dans les films de super-héros dont je suis souvent friand, les personnages de femmes puissantes ont des pouvoirs, des projections d'énergie et tout ça pour éviter les confrontations physiques là où le corps à corps. Voilà, où le corps à corps est réservé aux mecs. Alors. Et c'est toujours quelque chose qui m'interpelle de voir que au bout d'un moment, comme ça convoque dans l'esprit du spectateur des drames qui arrivent dans le monde réel, des féminicides et tout ça, je me dis quelle est la part de moments où on peut représenter la violence à l'écran et casser cet univers de divertissement en rappelant des faits divers très tragiques. Et je m'interroge toujours sur la représentation à l'écran de ces affrontements. D'accord, ok. Moi, je trouve qu'en tout cas, dans John Wick, quand elles sont là, elles sont... traitées à part égale avec les mecs, et c'est le meilleur truc qui puisse arriver, non? Oui. Ben, je veux dire, il y en a peut-être pas assez, ça c'est un autre débat, effectivement, mais je préfère ça, si tu veux, à ce qu'elles soient limitées. Dans le premier film, c'était le cas, de ce que j'ai compris dans le scénario, à la femme disparue et le vecteur de vengeance, quoi. Idéal, intouchable comme ça. Ouais, ça. Moi, je préfère qu'il y ait le personnage de Adrien Palicki qui soit là, qui soit une saloperie, parce que le personnage est vraiment méchant, etc. Quoi. Perkins. Qu'elle soit vénère, quoi, qu'elle lui mette des nions et qu'elle s'en prenne aussi. Et c'est la même chose avec Alibéry. Moi, voir Alibéry avec ses molosses là, qui les envoie manger des couilles à gauche à droite, c'est cool, quoi. Moi, encore une fois, quand on va chercher pareil dans les influences du film, dans la direction, on regarde le film, c'est pareil, je veux dire, en Asie. Mais justement on a ce regard occidental, Michel Yeoh, le Girl with Gun, de toute façon, en général, voilà, je veux dire, dans les années 80, c'est un... Ouais, c'est une alternative très crédible au polar. Et même dans le cinéma thaïlandais. C'était tout à l'heure Villeneuve. Bon, voilà, c'est pas forcément le film le plus brillant, mais il y a des tas de choses. Il y a un film qui s'appelle Fury aussi. Voilà, et il y a quelques, on va dire, ersatz féminins de John Wick. Alors, on a parlé d'Atomic Blonde. Il y a aussi un film qui s'appelle Kate, je crois. J'ai pas vu Milkshake, mais je l'ai vu. Mais en tout cas, du côté de l'Asie, on parle de Michelle Yeoh, de Cynthia Khan. Enfin, voilà, il y a des actrices qui sont extrêmement populaires, quasiment aussi populaire que leurs homologues masculins dans les années 80. Cynthia Rothrock. Cynthia Rothrock, bien sûr. Voilà, donc Mais j'ai l'impression que c'était vraiment quelque chose qui était plus... plus décomplexé en Asie qu'en Occident. En tout cas, de toute façon, dans le cinéma d'arts martiaux ou d'action de l'Asie du Sud-Est, c'est peut-être un des premiers, finalement, sur ce plan-là, à héroïser le féminin, en fait. Dans le Wu Sapian, d'origine. Quand on avait l'Hirondelle d'or, ce genre de choses-là, très tôt, dans les films de King Wu, la femme, elle a une place extrêmement centrale. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de... Et elle se bat à part égale avec l'homme, donc elle s'en prend aussi à part égale Et on a vu le phénomène quand Michelle Yeoh est arrivée pour Tomorrow Never Dies, Demain ne meurt jamais. Elle avait une James Bond girl qui était, finalement, relativement en accord avec son parcours dans le Girl with Gun, quoi. Donc, il y a un truc là-bas qui... Et dans John Wick, il y a aussi ce rapport au lieu dans lequel se déroule l'action. Mm-hmm. Des musées, des galeries d'art contemporain. Ils ont tous des costards absolument impeccables. Il y a aussi cette idée de déplacer la violence dans des endroits extrêmement bourgeois et raffinés pour aussi en faire une sorte d'objet d'esthétisation. Je pense que ça, c'est un truc de contraste, en fait. C'est-à-dire que c'est très drôle de voir des mecs très élégants, qui se parlent très bien, bonjour monsieur, bonjour madame, merci de rien, et qui se tirent dans la gueule tout le temps. C'est ça qui est drôle, en fait. C'est-à-dire que moi, j'adore aussi quand le cinéma d'action est ce qu'on appelle le blue collar, en fait. C'est des ouvriers, c'est Bruce Willis dans Die Hard, quoi. Tu vois, j'adore ça. Je trouve ça super. Et je trouve ça super. C'est ce qu'on a perdu, par exemple, avec les Marvel. Je trouve ça super, en fait, quand il y a des ouvriers, des gens qui n'ont pas de pognon, quoi que ce soit, qui sont représentés à l'image. J'adore ça. Dans les John Wick, c'est autre chose. C'est-à-dire que ça participe aussi, d'une part, du décalage avec la réalité. C'est-à-dire que c'est ça, ce que permet le musée, c'est d'avoir un lieu qui soit irréel, en fait. Donc avec des vitres, avec des glaces, avec des trucs, c'est pas possible. Pourquoi t'as ça partout? Des grands tableaux, des statues. Tu vois, on parlait de références tout à l'heure. Moi, à mon avis, ça vient d'Opération Dragon. Tu vois, avec Bruce Lee, c'est la même chose finalement, ou des James Bond aussi. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, l'action atteint un tel niveau de surréalisme, c'est-à-dire que t'es tellement là juste pour le spectacle. T'es tellement décorrélé totalement de tes référents dans le réel que tu peux te permettre d'avoir des environnements complètement délirants, mais qui sont par contre plein de promesses au niveau de la chorégraphie, du déplacement des comédiens, du jeu avec les reflets, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a d'une part le contraste et d'autre part, en fait, tout ce que ça permet, en fait, ça, cet environnement-là et tout. Et il y a cette juxtaposition permanente entre une culture dite classique et quelque chose, par la force des choses, très contemporain. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis comme vous disiez juste avant, c'est qu'il y a ce côté qui me trouble un petit peu à partir du troisième épisode. Voilà, on parlait un petit peu de la fonctionnalité un peu plus évidente des environnements, par exemple, du premier, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de surraffinement qui arrive, et surtout de l'intrusion de la violence dans cet univers raffiné, quoi. Le gros contraste entre l'ultra-violence, et c'est assez marrant que Julien cite, normalement James Bond, quoi. C'est vrai que c'est absolument la même impression que j'ai eue quand j'ai vu certains environnements dans les hôtels continentaux, quoi. Ce qu'ils appellent, par exemple, les salles d'administration, qui sont juste des vitrines avec des objets, des katanas, des choses placées comme ça de manière un peu aléatoire, quoi. C'est un repère de Dr. No, le truc, quoi. Oui, et d'ailleurs, quelque chose qu'on retrouve aussi dans la manière dont on schématise, parce qu'on n'a pas parlé de la proximité de John Wick avec le jeu vidéo. Alors, c'est-à-dire que des niveaux qui sont vraiment pensés comme un beat'em up, où on trouve des armes qui sont dans une vitrine qui vont servir, on monte des escaliers, il y a cette idée de verticalité dans John Wick, elle est permanente. Avec des ennemis qui arrivent par vagues aussi. Il y en a certains qui attendent leur tour, on peut le voir un petit peu. C'est déjà quelque chose qu'on avait dans un certain cinéma indonésien, un moment, que ce soit avec Gareth Evans et les réalisateurs qui l'ont suivi. Mais oui, il y a une vraie proximité de John Wick avec le jeu vidéo, déjà par la narration environnementale, on en parlait tout à l'heure, et puis par... En plus, maintenant, on a rendu des clins d'œil évidents. Voilà, on a une scène qui est Hotline Miami à 100%. Oui. Voilà, alors, ils ont cité Hong Kong Massacre. C'est l'autre jeu. D'accord. Bon. Mais c'est Hotline, pour le grand public, c'est Hotline Miami. D'accord. Et de la manière même, la musique de Tyler Bates pourrait illustrer totalement de nombreux beat'em up. Il y a cet aspect-là. Alors, John Wick 4 s'est achevé. On parle d'une série dérivée sur l'hôtel continental dans lequel qui parle de la jeunesse de Winston. C'est ça. 3 épisodes de 90 minutes, apparemment. Dans lequel Keanu Reeves est censé apparaître. Non, c'est 40 ans avant John Wick. C'est dans Ballerina. Mais on le verra ensemble. C'est dans Ballerina qui va apparaître. C'est dans Ballerina qu'il apparaît, qui est le film de Len Wiseman avec Anna de Armas. Len Wiseman Underworld, d'ailleurs. La franchise Underworld. Donc, on attend de voir. Et les remakes de Total Recall. Qui le trouvait mieux que celui de Verhoeven, personnellement. C'est très dommage, en fait, d'aller chercher un gars comme ça. Je comprends pas qu'il fasse pas appel à un autre cascadeur. Il y en a plein, des mecs qui ont des aspirations comme ça de réalisateur et de cinéaste, et qui perpétuent pas cette tradition-là, en fait. Parce qu'encore une fois, s'il y a une valeur à accorder à la saga de John Wick, c'est bien celle-là, quoi. Bien sûr, ouais. C'est de donner les commandes à ceux qui savent, quoi. Donc, pourquoi aller chercher Len Wiseman? C'est quand même très bizarre, quoi. Peut-être qu'il s'est recréé. Alors, apparemment, il a fait beaucoup de recherches, il a beaucoup discuté sur la façon de mettre en scène les trucs d'action et tout, je sais pas. Moi, le seul truc cool de Ballerina pour l'instant, en tout cas, c'est Ana de Armas. Bien sûr. Je pense que s'il y a une comédienne aujourd'hui qui est capable, en fait, de s'illustrer dans le cinéma d'action et tout, c'est elle. Moi, je sais qu'elle m'a réveillé, dans le dernier James Bond, tout à coup, Ana de Armas, quand elle arrive et tout. Donc, voilà. Mais alors, vous avez beaucoup dormi parce qu'elle est pas là longtemps. Non, malheureusement, mais. Non, mais j'étais dégoûté. 2h40. Hein. Mais voilà, mais au moins elle était là, quoi. Tu vois, je trouve qu'elle a. Voilà. Puis elle est très belle. Oui, voilà. Il fallait dire ça directement. Non, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'elle a un truc en elle. Elle bouge hyper bien, par exemple, tu vois, dans le James Bond. Elle a une façon de se mouvoir qui est excellente, quoi. C'est une super actrice, quoi. Bref. Attendons de voir Ballerina. Bof. C'est la fin de cette émission. Julien Dupuis, Marvin Montes, merci beaucoup. Merci à toi. Donc on a cité des tonnes de films, donc autant vous dire que là, vous avez de quoi faire dans les quelques semaines à venir. Je remercie également Marion Lelay qui a réalisé cette émission. Elle a été préparée par Benjamin Ducy et on remercie très chaleureusement Lison Berguet à la technique. Aujourd'hui, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, 01 56 40 30 20, ou en parler sur Twitter directement avec moi avec le hashtag BlockbusterEFI. I'll kill them. I'll kill them all. Et on se retrouve dans 3 semaines pour parler du phénomène BD du moment, les webtoons. Blockbuster est un podcast original de France Inter.